Deuxième partie, dans le cabinet du docteur Soula. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Des tas de choses, hélas. Je ne me sens pas bien, docteur. J'ai des symptômes bizarres. D'abord, j'ai mal à la gorge. Est-ce que vous avez encore vos amygdales? Oui. Vous avez pris votre température? Oui, elle est normale. Bon, vous n'avez pas de fièvre. Ouvrez la bouche. Et dites ah. Ah. Respirez profondément. Maintenant, dites 33. 33, 33. Vous avez le rhume? Beaucoup de gens sont enrhumés en ce moment. C'est bizarre. En plein été? On attrape le rhume en toute saison, vous savez. Au printemps, en été, en automne et en hiver. Je vais vous donner une ordonnance. Je vous prescris du sirop et des comprimés. Prenez 2 cuillerées à café de sirop 3 fois par jour et vous sucerez un comprimé toutes les 3 heures. Pourriez-vous aussi regarder mon cou? Ça n'a pas l'air grave. Je vais vous prescrire une pommade. Je suis à peu près sûr qu'en appliquant soigneusement cette pommade, vous n'aurez pas besoin de revenir me voir.